net rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool. Le XV Barbare est dans la maison. Aïe aïe aïe. Messieurs, bienvenue. Comment ça va? On est là. Et toi, Fred? Depuis la sortie, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion parce que le mois de décembre était chargé. Mais il y a eu la sortie au mois de décembre du projet du XV Barbare. Voilà, le gun ou la rose est bien là. Dans les FNAC encore. Le gun ou la rose, alors le choix a été fait ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait des. Ah, ça c'est. Est-ce que toi t'as fait ton choix déjà? Moi, la rose. La rose. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis quelqu'un de pacifiste, tu sais. Moi, c'est la rose. C'est à coup de rose, à coup d'épine. Bon, tout va bien pour l'XV Barbare? Tout va très bien. Quelles sont les nouvelles en ce début d'année? Déjà, bonne année à vous tous. Hein. Aïe, aïe, aïe, bienvenue, mon gars. À toi aussi. Bonne année 2016 à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des concerts, il y a des featuring de prévus. Il y a toujours, évidemment, donc, le gun ou la rose qui est dans les bacs. Hein. Toujours disponible. Toujours disponible. Il y a du sale, il y a du sale qui va arriver, mon gars. Vous êtes plutôt content pour l'instant? Ça va, des retours? Ouais, ça va, des bons retours, tu vois. Des bons retours, voilà, faut que nos barbares ils lâchent rien, tu vois, on est encore là. Et puis là, on prépare du lourd pour la suite, tu vois. J'ai des surprises qui vont arriver, mon gars. C'est pratiquement que le début, hein, pour vous, même si c'est pas un moment que vous rappez, mais c'est vrai que voilà, les projets s'enchaînent. On commence à parler pas mal de vous. Je sais qu'il y avait eu aussi le Zénith avec Caris que vous aviez fait aussi dernièrement. Qui s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà, très très fort le XV Barbare sur scène. On attaque, il y aura un gros freestyle aussi de prévu, je crois, tout à l'heure. Ouais, un gros freestyle. Et là, on se plonge dans quoi? Directement dans le gun ou la rose? Le gun ou la rose. On y va, on attaque. Allez, c'est parti, mon gars. C'est parti. Gros morceau. XV Barbare. C'est du projet, mon gars. Au contrôle de la nocturne, c'est eux. XV BAR, BAR, on dirait que Sky, mon gars, tu sais qu'il y a R. Si, si. Gomu bang. Gomu bang. Gomu bang. Comme mon pistole, je suis cotisé et lui n'est personne. J'ai peur de personne, mon téléphone ne sonne. Libérez personne, mes pirates somme. J'big rap sel, freezer boubou. M2F nous dans le bank, on est au chez tout. De la j'ai, je m'en bats les couilles. Ça rafa touche du premier coup. Faut que la baguette et tous les nous. J'ai planté ma cape comme ton pouce. Faut que ça pousse et vers des housses. Tu tires une bandier que tous. Bendo, réduisez moi on est tout souffle. On va te boxer comme mon gaba Youssouf. Mais mon gros sel, je sais pas mon gros douce. J'suis dans la Benz. Bien sûr la bouteille est pleine sur le corner. On s'en fout des voisins qui se plaignent. Gomu bang. Sur ton cas on se concert. Chapeau de paille ouais, la tête d'aille ouais. Ramène le détail ouais. C'est le hood, crapuleux sur le bitume. Barbare, te gars te dis c'est l'attitude. Le premier verre, pourquoi tu titubes? W wang wang, je m'attitule. Blesse, ça blesse. Blesse, ça blesse, blesse, blesse, blesse. La bitch se fait crari, j'ai le fruité qui varie. T'es grave du Wally, le père de safari. Y'a tout ça, y'a Paris, j'ai tout sans Paris. La page du Paris, sans l'âge du barbare. Ils veulent tout pour Paris, la plupart sont tarés. Cause papyrés, pleurant, c'est nous-mêmes la beufra. L'atmosphère se réchauffe, je suis sûrement dégivré. Code secret déchiffré, ADN. Gomu bang. A 7 ans PSO gang. Gomu bang bang bang. Sur la poche pleine de la bang bang bang. On chie tout, j'achète mon flingue. 105 je reçois tous les zings. La bitch à nous vendre devient dingue. Mogo mogo dans le bain. Barbe noire, fuck la marine. Fuck Broussard, fuck ta Jack Mérine. As-tu senti la richesse de mes rimes? Je suis en AVP, t'es en intérim. Je peux perdre dans le prof, j'ai semblant. Si ce soir je dois finir au star. Brrrra. On veut plaire à la prof, à la juge. On enchaîne les tractions à la bague. Bitch. Gomu bang. Monkey. Monkey Luffy, monkey. Gomu bang. Gomu bang. Aïe aïe aïe mon gars, XV Barbare en direct de Sky pour la nocturne. Si si, écoutez ça les barbares. Le gun ou la rose toujours disponible. Aïe aïe aïe. Gomu bang. Gomu bang. Gun ou la rose, mon gars, bang bang bang. Pour qu'on s'arrange, donne-moi un prix abordable. Les gun ou la rose sur Skyrock, mon gars. Faites votre choix, le gun ou la rose, mon gars. Aïe aïe aïe. 2016, mon gars, c'est contre XV Barbare. Si, si, mon pote. J'y vais à l'audace. Les gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Sont la plupart de mes proches. Les trois quarts de mes assos sont dans le business. J'suis dans la street pour remplir mes poches. Mais parfois tes galères quand tu te noies dans la piste. Non. J'suis sur un thé, j'les baisse tes bleus, monsieur le commissaire. J'les baisse tes bleus. J'vais m'esquinter, j'roule un joint bleu, laisse mon commissaire. J'roule un joint de bœuf. On fume la frappe, tu fumes son mystère. J'ai j'ai le produit frère et le business pour ma rue. Aucun de mes négros n'est honnête, c'est sûr. Et pour la pure, cette bitch exécute donc elle vient me cesser. Pour elle c'est triste. Le monde part en couille négro donc moi je me méfie de cette vie. J'ai plus de temps à perdre donc pourquoi je me décide. Sors ce chiffon Z, je me balade dans la capitale. Bébé ne crois pas que je t'aime, c'est juste amical. J't'adueille avec un gun et tu vois mon vrai visage. Devant ma porte à 6h des fois j'attends la cicaille. Dis-moi que ça commence à être l'hiver, j'suis toujours dans ma ville. Les meufs deviennent chelou mon gars, faut faire attention à ta fille. A mon avis j'crois que tu pètes à plomb parce que c'est devenu une bite. Son mec là j'ai, donc tu prends ton brolic et tu fais. C'est le gain ou la rose. Lui il a préféré t'arroser. Dans sa tête ça a explosé. Trop tard la dinguerie est déjà faite. Alors arrête de faire la meuf pop. La tête de Rob s'est fait à plein cloche. Tu mets je te mets des rebuts en poche. Tu montes dedans y'a des lois à hoche. Pour toi c'est le bateau. Deux mois plus tard tu finis en club. C'est les problèmes et ta vente. Les gueules ou la rose. J'ai vite fait le choix. Les gueules ou la rose. Pour qu'on s'arrange donne-moi un prix abordable. Les gueules ou la rose. Je sais pas quoi choisir. J'y vais à l'ODAF. Les gueules ou la rose. Les gueules ou la rose. J'y vais à l'ODAF. Les gueules ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gueule ou la rose. J'y vais à l'audace. Chacun son but dans la vie. J'fais tourner la dope dans la vie. Et rien à foutre de ton ami. J'aurai cette chaudasse à coup de fil. Donne-moi ton salaire ou ton fils. Dans la semaine j'fais le double tri. Dans la semaine j'fais le double tri. Dans la semaine j'fais le double tri. J'veux des millions et encore je suis mignon. On va se refaire sur une hasba de litron. La peau fera contamine. Hanté comme la rue condamine. Le gun ou la rose. Mes pensées sont trop sombres et mon gros cas. J'ai confiance en personne gros comment faire. Mon gars la yod. Bang bang. Moi-même je me mens. Dis-moi comment faire de l'argent sans argent. J'rince dans la merde en agent gros. Pas vite au genre on invite. La merde de l'agent gros. Oui, oui. C'est la folie dans ma tête. Bip, oui. C'est le boxon comme au check. Bip, oui. Et pour certains c'est toujours la peste. Oui. Pas d'amitié, pas de sentiment quand ça parle en fait. I'm solo, j'finirai ma vie, I'm saoulé. J'étais ou bien absolu. Tant que j'finis pas obsolète, tout comme tes losers. J'ai la dose et le doser. Range le goût, galorant et le double. De 12h à 12h. Montre-moi ta face, Snapchat, mon phare tu passes. J'black up, passe chez moi Jack. Flashback. Skank. Enroulé, blunt. Skank. J'tourne dans la zone. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. Au fond ça range. Donne-moi un prix abordable. Le gun ou la rose. Je sais pas quoi choisir. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Je suis dans le bad, midi, minuit, j'attends les hors, les postiches, j'ai quoi qui se passe. 22, voilà les villes si. Mais que vais-je faire ce soir? Man dans mes chevaux, ça sent la crise. Ma daronne ne veut plus me voir, elle aimerait que je change de vie. Ragabendo, aïe aïe aïe. Casse dédié pour toute la jeunesse de France. Toutes les générations, mon gars, XB Barbare, écoutez ça, mon gars, en direct de Sky. Si, si, mon gars. Ragabendo, wesh, l'Orient. Ne viens pas me parler de la rue, à ce qu'il paraît t'es bien. On sait que ta vie est dure. Dans le bendo c'est correct. Correct. On a pris des pensées de l'oseille. T'inquiète, on connaît finir à 3-4 sur un thème. Je S. Je cours, cours, cours dans la street. Y'a que des gueux, qui me suivent. Vagabendo, j'ai tapé la fuite. Dans le 7-5-0, tu connais la suite. Hey, ne me parle pas en chiffres. Non, parle en pourcentage. Ouais, ouais, ouais. C'est que je vais des ivres. Ivres, ceux du 10 ans. Je suis dans le bad, midi, minuit, j'attends les offres. Les postiches, c'est quoi qui se passe. 22-22, voilà les villes. Mais que vais-je faire ce soir? Dans mes chevaux, ça sent la crise. Ma daronne ne veut plus voir. Elle aimerait que je change de vie. Vagabendo, big up. A tout le checker, tout le 17 mon pote. Tous les checkers de France, tous les vagabonds de France. Ouais ouais ouais. Aïe aïe aïe. Paris c'est dégueu, c'est pas du ciné. Tu peux te raconter. côté tu vas halluciner. Peut-être les chemins ne sont pas vaccinés. L'olivier te planque juste en bas de l'olivier. Et tu prends le copain, t'es toujours relevé. Et tu snap mon gars toujours aussi les. Jamais de perdre le rêve dans ma cheminée. C'est pour ça que je vais te niquer. Merde, je t'encule si tu veux me la mettre à l'envers. T'as de la cocaïne dans le système nerveux. Et je veux du bif, faut savoir quoi en faire. Un gabendo rentre les cheveux pour remplir les Yankees. Font la queue dans le bendo, je suis dans le bolide. Et j'ai le poudre insolite. Quand on fait de l'oseille, tu fais de la peine gros. Adé, j'aime. Dans le bat, midi, minuit, j'attends les hommes. Les postiches, c'est quoi qui se passe. 22, voilà les villes. Mais que vais-je faire ce soir. Femme dans mes cheveux, ça sent la vie. Ma daronne ne plus voir. Elle aimerait que je change de vie. Isvé. Vagabendo, vagabendo, vagabendo, vagabendo. Alcool, train, un gros pilon, pour ça l'oseille, c'est mon opinion. Comment dire à peu près le million pour que mon train de vie soit mignon. Quand le coup part, c'est la barbarie, c'est la même tout part, je t'en fais le pari. Sur une planète, moi je suis T-Bar, ma devoir ma vie sur ton pérignon. Je voulais pas, mais je crois que je vais devoir te wet. Tout en black préarmé comme un putain de man du SWAT. Si je te colle le canon sur la tempe, c'est juste histoire d'optimiser l'impact. J'vagabonde la night, j'essaie de baisser la bac. Je suis sur le corner, j'ai dans la soupe, c'est plus le reste, je les emmerde. Vagabendo dans mon chien, je me lève à 18h et c'est toujours la même. Bitch, j'suis dans les wets toute la semaine. Toute la semaine. J'suis défoncé, j'arrive après minuit, en choqué si j'avoue sur la chaîne. J'suis dans le bat, midi, minuit, j'attends les hommes. Flip aussi, j'sais quoi qui se passe. 22, voilà les villes. Mais que vais-je faire ce soir. Man dans mes chevaux, ça sent la crise. Ma daronne veut plus me voir, elle aimerait que je change de vie. Vagabendo. Vagabendo. Aïe aïe aïe. XV Barbare, mon gars, dans la maison. Avec tout le 17ème derrière nous, tu connais tout Paname, toute la France, on est ensemble. XV Barbare, le gars de la rose. Avec une autre équipe du XV Barbare qui arrive, ça arrive au fur et à mesure hein, dans la nocturne pour le XV Barbare. Jackie et mon gars, chez Besky. On va saluer en effet le 17ème, un endroit que j'aime particulièrement. Si, si, Fred, je t'ai croisé là-bas là. Où j'aime vous croiser régulièrement. On se connaît bien, c'est ça. Le Gun de la Rose, on écoutait Vagabendo à l'instant, ouais, hein, voilà. C'est un extrait du projet aussi. Ouais, voilà. Vagabendo, bientôt puis, le clip. Et puis il y avait aussi en deuxième position le Gun ou la Rose aussi. Voilà, titre éponyme du projet. Avec un super clip. Allez mater le clip justement. Si tout s'était passé différemment, il est possible de recliquer et de refaire c'est le clip. Le Gun ou la Rose, voilà, ça bouge pas, tu connais. Le Gun ou la Rose, c'est XV Barbare au contrôle de la nocturne. Messieurs, on est reparti pour une nouvelle session. Salut les Nortiliens. C'est vous qui ambiancez ça, hein, c'est vous qui avez pris le contrôle. C'est parti. Balance ça, mon gars Fredo. Ton président de pique. XV Barbare. Si, c'est mon pote. Scarlett. Squelette. T'es deux musique mon pote. Skelesh. XVBRBR. En direct de style, tu sais qu'il y a R mon sens. Je fume ma Audi viscère dans le dos du lac, mais par la fenêtre. Et par la fenêtre. Potion dans le récipient. La tasse à ma quenelle. Ouais. Le rodéo mortel. Après le plafond, on finit au motel. Fini au motel. J'en roule, je passe en voisin. C'est correct, c'est correct. Mon poulet brisé. Sport. Mon royal pour décompresser. Sport. Mais quelle scène que je vais dresser. Ça passe après la vessie, moi je suis encaissé. Squelette, squelette, squelette. Broken, litron, volume, frigo, à l'aise. À l'aise, à l'aise. Coute le pot, je fais ton malaise. Bitch. Je passe tout ça d'Aaron pour qu'il se mégale. Mon oseille, mon gros fer et ma bécane. Frappe Roberto précisant de Beckham. Je compte faire fort à la couleur du métal. Si, si. Je m'évade, Tizi. Tizi, elle arrache. Tout est en plein gros. On s'arrache. J'ai nous le renard, viscère la belette. Et le merco transporte la burette. Gang, gang, gang. Terrain à la veuglette. À la veuglette. À la veuglette. Dans le poche, mon gros tête de squelette. La reprise c'est quoi le thème. C'est quoi le thème. Agité dans le BM. Dans le BM. Dans le poche ton gros tête de squelette. Squelette. Ma rebus c'est ça le thème. Faut que tu mettes bien la clientèle. Je te laisse le cul de la vieille. Tous les jours c'est pour faire plus de l'eau. Vec la veille ils ont déjà le prix en tête. Tous les bolos sont satisfaits. Je pète des gros ouais, tu pètes des hasras. N'essaie pas de nous bébar. Je t'avertis au départ. Tu seras chanté là pour eux. La S on a pour eux. Si si. J'ai mes potes qui béton ou rejetard. Dans tes potes tombent amoureux. Et demande à son pack, j'ai les vitins. T'es au pack, on a gravé psychopathe. Tu fais de la peine, toi, quand t'as pas de terre. Hef, alors tu deviens psychopathe. Bitch, je m'écrase, je reste dans ma bulle. Le pilon est gras, faut pas que le couteau brûle. Aussitôt les ordres rédigés, tous les travaux sont érigés. Je serai à tes dirigés, obligé de galacher pour pouvoir diriger. T'as croisé les web. Oui. J'ai croisé les keufs. Croisé les keufs. Je te souviens de nous web, regarde, toi tu verras. Que tu sors de ma tête. Jerry, son PS, au fer, change de bico, je S, un tabac. Tu ramasses des mégots, non, je suis pas docteur Dre, mais je peux guérir ton flow. Plus fort ta médaille. Plus fort ta médaille. Que des combats à huis clos. Squelette, squelette, squelette. Chez nous le renard viscère la belette. Et le merco transporte la beurette. Terrain à la vérin, à la terrain à l'aveuglette. Dans le poche ton grosse tête de squelette. T'as capté c'est quoi le thème? Agité dans le PM. Dans le poche ton grosse tête de squelette. Ma repuce c'est ça que t'aimes. Aussi nerveux que la colère du trompette. Je vais voir ta meuf quand je suis foncé, je suis pompette. En 2016 y'a plus de flux. Ils jouent tous de la trompette. Des slits sur la terre, du shit de la terre. Les poucas va faire mais doit vivre l'enfer. Le douillon on l'amène, il va payer sa mère. Dans la cave réfléchir, ça c'est sûr qu'on l'a. J'ai vesqu'il qui touche ces putains de keuf. Dans le bendo j'ai caché ma preuve. T'as de tes choses, j'ai le seum. Ce PD je vais le craquer, c'est seum. Le bendo la rose ou le gun. Un grand choix à faire avec mes thugs. Tu vas fumer comme un thug. Squelette que j'ai mis dans le blunt. Squelette. Le style vient de Los Angeles. L'Est, les armes elles viennent de l'Est. L'Est, pas de nique pas, ça vient de ripa. C'est nous le loup qui sert la belette. L'Est, dans un gros verre en boulette. J'fume avec la recette. J'fume, c'est correct. L'île de Bullcop dans la corvette. J'ai rien fait. Bah, mais j'en ai vu assez. Heureusement. Plus rien peut me choquer. Depuis que je sais qu'une partie de gens en l'air. Ce monnaie. J'veux pas te taire. Si, si. J'fais pas de faim. Non, non. Non. Des grosses têtes. Ouh. Chez nous le renard viscère la belette. La belette, la belette. Et le merco transporte la beurette. La beurette. Terrain à la vérin, à la vérin, à la veuglette. Dans le poche ton grosse tête de squelette. Squelette, squelette, squelette, squelette. T'as capté c'est quoi le thème? Acheté dans le BM. Squelette, squelette, squelette, squelette. Dans le poche ton grosse tête de squelette. Squelette. Aïe aïe aïe, 96 FM mon pote. Squelette. Si si, ça c'est pour toutes les petites sœurs. La famille mon gars, faut pas oublier la famille, les liens du sang mon gars. Si si, écoutez ça les refrais, les receux. C'est l'XV Barbare, c'est pour vous mon pote. Aïe aïe aïe. Déséquilibré, je sens que je tombe oula. Tu peux le ressentir, j'ai que de la moula. Pourquoi t'empêches ma sœur de mettre le foulard? Tu dans ma Benz, qu'est-ce que la chaîne foule? Une belle journée ensoleillée. Ouais, ouais. Je réfléchis tête sur l'oreiller. Ouais. Je viendrai pas te réveiller. Kakakabao, kakakabao. Mon secret, je viendrai pas te révéler. Aussi. Je sens que je tombe petit à petit. Je sens que je sombre. Je sens que je sombre. Je suis équilibré. Ne m'oblige pas de me sur liste d'attente. Yankee sous Yankee. Je vois que les gaffes m'attendent. Moi je fais la moula mais n'empêche pas mes sœurs de mettre le foulard. Petit frère me fais pas le fier. Je te conseillerai la rose de poula. Le gun ou la rose. Ambiance paranormale. Le sème ou ta rose. Y'a pas de chien donc t'as pas le moral. Dans les futurs je te ramène. Dans le futur te ramène. Avec S sur Namek. Avec S sur Namek. Mais pourquoi tu loues? J'ai vu prendre des dents vers le musée du loup. Vers le musée du loup. T'es déséquilibré, je sens que je tombe oula. Tu peux le ressentir, j'ai que de la moula. Pourquoi t'empêches ma sœur de mettre le foulard? J'suis dans ma Benz, qu'est-ce que la chaîne foula? Je suis là pour m'exprimer et plébisciter. Le fait qu'il laisse le s'exprimer dans nos publicités. Je vais faire vibrer ton cœur comme un vibro ma sœur. Fais gaffe aux arnaqueurs. J'ai trop peur pour ma sœur. Tes négros ne sont pas sûrs d'eux. Moi je veux justice et les miens. T'assures même pas, juste une fois sur deux bâtards. N'est-ce pas pas tisser des liens. J'ai une rose qui poussera sur le bitume. Je ne suis pas sûr du lendemain. Je roule un groupette comme d'âge, prends l'attitude. Je suis le seul maître de mon chemin. E-R-F-J-M-D-C-C. J'ai de quoi te faire décoller. Peurette et Benoît, j'y dis mais chez moi on va isolé. Lambo et Mel Rolls Rolls Phantom. Suis-moi si tu peux. Le RDV sera à plein ce bandeau. C'est rempli de bleu. Toujours au fond de la classe. Toujours je suis Lion de l'Atlas. XV BB remplace. Toujours c'est mon remplaçant qui te remplace. Scala shit. T'es déséquilibré, je sens que je tombe. Aïe aïe aïe. Tu peux le ressentir, j'ai que d'amour là. Force à tous les frères et sœurs qui soutiennent, à tout le monde. Si si, on est ensemble. Qu'est-ce que la chaîne fout là? Si si, c'est XV Barbare dans la nocturne sur Sky, mon gars. Si si, on est ensemble, la famille. Aïe aïe aïe. Rah, rah. Ça, c'est pour tous les mecs du Chex. Brabus, Bendé, mon gars Joe. La nocturne avec le XV Barbare au contrôle. Mon gars le chat. Le gun ou la rose, c'est toujours dans les bacs, évidemment. Bloca, Sopac. Gino, Zarzis. Mon gars Bilal. On peut aller cliquer tout de suite pour récupérer le XV Barbare. Dans quelques minutes, il y aura un live, messieurs. Hein. Ouais. Session, ça va chauffer. Session freestyle, ça va chauffer dans quelques minutes avec le XV Barbare. On va tout brûler, mon gars. Il y a un titre inédit aussi, ça aussi, à découvrir dans quelques minutes. Tout est bon. C'est un morceau qui sort d'où alors celui-ci, tout est bon? Ah, on va le découvrir ensemble alors. Eh ben, on va le découvrir. Il, vas-y. Il est quoi? Il sort d'où celui-ci, le tout est bon? C'est celui-là, t'as vu, c'est un hors série. C'est pas dans le projet. On a voulu s'ambiancer et tout, tu vois, c'est vraiment détente. Voilà, on a sorti ce qui nous est passé par la tête, mon pote. Hein. Vous êtes beaucoup en studio encore en ce moment ou pas? Ça enregistre toujours. Ouais, toujours, c'est le quotidien. Hein. Et donc pour 2016, des sorties pour le XV Barbare. Bien sûr. Avant de repartir sur Tout est bon, peut-être qu'on peut repartir sur une nouvelle session, d'autres morceaux aussi, juste avant de balancer le Tout est bon. Black Dance. Allez, c'est parti. On va repartir sur Black Dance. La danse noire, mon gars. Aïe, aïe, aïe. XV Barbare. XV Barbare ce soir, mon gars, dans la maison. Bang, bang. Mais j'ai dit bang, bang. Bang. Mais bang, bang. Mais j'ai dit bang, bang. Crac, crac, crac, crac, crac, crac. Animal réédition, je passe à tous mes gars en prison. Au TK, y'a pas de restrictions. C'est la blague, ça détaille des litrons. Sur l'avenue, me repeut mes crayons. J'suis dans la chrysalide ouverte de papillon. J'suis dans la blague, j'm'en fais passer à la télévision. Ils racontent tous leur vie, c'est des missions. Je vais dans mon lit, y'a le même truc à Dilo. J'suis à l'hôtel, d'après toi, t'as le bras long. Et fais tes bails, j'crête et vite le ballon. C'est comme ça dans mon texte, vécu en Dilo. J'lui sers la taupe à meilleur guigro, j'l'aimais bien. Tu chies de la coque, je ne fais rentrer que des billets de vin. Je suis Jacques, mais je t'encule ta mère et je pète tes remparts. Sale pute, sale pute. Tu me vois, je te vois, tu me cherches, je te suis dans le square. Je suis dans le rose quoi. Comment veux-tu qu'on s'arrange? Mais comment veux-tu faire du NSB quand t'es une balance? Balance, balance. C'est la Black Dance, dance. Je joue de la 10 dans ma coupe. Tous mes gars de bâtards sont posés dans le coupé. La vie tu démasses, rien que ça coupe. À coupe la jaune et la verte pour le couplet. Robin, qui veut être Robin? C'est la Black Dance, des son périple. Henri, Kambo, Gawa, à toutes les portes et la victime. Les gens sont pour une partie. Dis-moi, va voir quand ça parle en aparté. L'argent est caché, qualité première est toujours en sachet. Pourquoi tu me suis? Là y'a les bulles-filles. T'inquiète, la source ne bouge pas dans le Lévis. Pas du genre à Vesky, garde la sauf Vesky. Y'a le miel pour les guêpes de ma ruche. Je Vesky. Coco. C'est mes gars, j'oublie pas les autres qui sont dans le bendo. Bendo. Ma conscience me dit que faut que je les kick dorénavant. Dorénavant. Maintenant. En vrai, c'est tous les gars de Paname que je représente. Paname. Les gros t'as du fou bouti, je trouve ça gênant. Arrête. Comme quand t'as pétasse, mais c'est dents. La plus grosse de la femme, donc j'me sers de la balance. Rah. Distribulation comme ma faisance. C'est un animal réédition. Je passe à tous mes gars en prison. Au checker, y'a pas de restriction. Dance. Ça détaille des litrons sur l'avenue, mes rebeux, mes négrions. J'suis dans la chrysalide, ouverture papillon. J'suis dans la paix. M'en fais passer à la télévision. Ils racontent tous leur vie, c'est des mythos. Je vais dans mon lit, y'a le même que Cadillo. J'suis à l'hôtel. D'après toi, t'as le bras long. Fais des bails, on traite et vite le ballon. C'est comme ça dans mon check, le vécu en Dilo. Je fais un RBAR, mon gars, toujours sur Sky pour la nocturne. Aïe aïe aïe, mon pote. C'est la force vocale, mon gars. Si. Je suis à l'hôtel. À l'hôtel. Bang bang bang, 17ème. J'ai la Black Dance. Ça, c'est le classique, tu connais, mon gars. Le classico. Belle et capateux, frère. Belle et capateux. C'est chaud, Paris, mon gars. Paris, c'est dégueu. Aïe, aïe, aïe. Paris, c'est vraiment dégueulasse. Belek. Il ne va pas. Il ne va pas dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sans le rat, côté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on tape, direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Bellec a pas de faire ketchup, Bellec a pas de faire ketchup, Bellec a pas de faire ketchup. Rara. Belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire boulot, belle est capable de faire ketchup. On t'attache, on te met dans le coffre. Toi tu parles mal mais tu perds tes couilles devant le globe. Je pense que les vrais disais plus le reste, je les fuck. Eux ils font grave cheap, ils méritent une balle dans le torse. On est pépère au canne, on s'agit dans le gamos. Magique, magique, te fais l'effet d'une bastos. Pas besoin de sortir le clic, juste le schlar, tel un vrai chicanos. Rien qui parle de bif, mais non pas de quoi payer le tacos. Si tu bouilles, on te retrouve, on t'arrose. On te fait remonter le tarot. Y'a que pour le bif, la nuit que je barote. À part sa poto, je vois que tout le monde est paro. J'enchaîne les classiques pendant que tu restes assis. À se moquer la dope et à siroter la ligne. Que y'a rien, sache que personne t'assiste. Mon blaze et Jacques Mess, on voit l'instruire la ligne. Pardonnez-les ou bien pendez-les. Peu m'importe qu'on ne respire pas le même air. Tire dans la foulée, je vois ta folie. On m'a dit que t'es chaud, je te vois, t'en as pas l'air. En bâton trèfle, j'ai pété mon 4 feuilles. Faut que la batte tout dans la tête aux 4 fouilles. Me coupe pas, t'inquiète, Igo, y'a faille. Mais je vais t'éliminer pour te montrer que j'ai pas de faille. Gêné le S, tu sais que c'est bête. Opinez tous dans le sabbat. Qu'est-ce que soit ton plan, je sabote. Je pourrais te fumer, mais toi, je te crapote. Passe à ma gauche pour la douce. Passe à ma droite pour la dure. SVBP, c'est la hure. Que tramezé qu'on produit que la pure. J'ai donné le feu vert. J'ai donné le feu vert. De t'allumer au feu rouge. De t'allumer au feu rouge. Après 5 ou 6 verres. Après 5 ou 6 verres. J'te ketchup sous ta douche. Pute. Et j'ai dans le muguet. Ouh. T'as du coup t'as bugué. T'as du coup t'as bugué. Demande à tous mes gars. Demande à tous mes gars. Et ça dit pour Meggy. Gra gra gra. XV par balle dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup et y'a la chaîne. Tu parles, on t'a. Direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire boulot. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire boulot. Belle est capable de faire ketchup. C'est ouais, bon, c'est ouais. Bon là. Si si mon gars, ouais, XVPR. Ouais. Okay. Si si mon pote, tu fais ce que vous dis. C'est exclusif. Bah, bah, bah. Si si. Dans vos voitures, bougez à l'automne. Mon petit voiture, mon gars. C'est la nouvelle sur Skyrock. Si si mon gars. Allez, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Mon jacuzzi aussi. C'est sûr que je veux ma part. Mais je veux la tienne aussi. La JPS ou LS. Tu partir toi tu fumes tout le bénef. Nerve commencer RF. Je t'ai fait danser pour Naref. XVBB dans ta soirée branchée. La faute accrochée, voici le danger. Ça blesse et ça blesse dans les tranchées. Bella s'est penchée, on suit le déhanché. 10 bouteilles sur la bluta. Je verse tout, non je bois pas. Libéré bloca. Et tout est bon. Tout est bon. Champion de l'année, avec nous ça blesse. SOVIP carré, c'est toujours correct. Ta pédo, y'a ta go dans ma go. Elle a changé de techo, elle a le détecteur de l'eau. Tout est bon, je dis que juste une traduction. Pas pour demander son prénom, je veux savoir si c'est pas bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. J'ai dit tout est bon, tout est bon. Mais tout est bon, tout est bon. Remets des glaçons dans mon verre. Après je sais pas si tu montes dans mon fer. Ce soir je prête à côté des frelons. Y'a un gros boulier pas steak à melon. Ça prend des tailles music Star Wars. 3-5-7 maintenant mon tarot. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. J'ai dit tout est bon. Tout est bon ce soir, ouais, pour les bringers, les prises, pour tous les bringers de la capitale. Aïe aïe aïe. team bring de banane. Et tout est bon. Tout est bon sur Skyrock, mon gars, ils vont voir Barreda, si, si. Le 75 est là. Blesse à gauche, blesse. Hein. À droite un peu. Hein. Et tu blesses. Hein. Et tu blesses. Hein. Et tu blesses. Faut suivre le mouvement, faut suivre. Aïe aïe aïe. J'ai envie de dire, il est très bon ce morceau. Aïe aïe aïe, bon, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Merci, hein. Il arrive, là, il arrive très très lourd. Il va faire ça, celui-là. Du XV Barbare qui est balancé. Pour toi. À l'instant, dans la Nocturne, merci à vous pour ce morceau. Donc, inédit du XV Barbare. Tout est bon. Tout est bon. Tout. Est-ce que tout est bon pour le live aussi maintenant, messieurs? Tout est bon. Tout est bon. Tout est toujours bon. Est-ce que tout est prêt pour le freestyle? On rappelle que le Gun ou la Rose est dans les bacs toujours du XV Barbare. Toujours disponible sur iTunes, à la Fnac, en magasin et tout. Et maintenant, messieurs, session freestyle pour conclure cette première partie de Nocturne avec le XV Barbare. Allez, c'est parti. Mbr Diblaski. Aïe aïe aïe. C'est bébé, mon gars. C'est l'XV BAR, mon gars, sur Sky. Ça bouge pas. Tout est bon. Brr. Tout. À midi, Polyakov. 15h, Eristoff. À 20h, je suis off. 23 minuit sur Skyrock. On fume de la frappe. Tu fumes de la fan de frappe. On fume de la frappe. Tu fumes de la fan de frappe. On fume de la frappe. Tu fumes de la fan de frappe. Négro, on fume de la frappe. Tu fumes de la fan de frappe. On est dans les wells et back dans la fiesta. PS sur la base, tu que ben Kesta. J'en place une assolo, Dino Galo Kipsta. C'est pas moi qui te bute, c'est Black ou Pisse Pasta. Un big up à mes sisters. Quand mes c'était pas FIFA, si j'ai m'insisté. Ok, nique hasta la vista. Je reste pas n'importe à vista, m'a sollicité. Genre de la cité, pourquoi hésiter? On a qu'une vie et qu'un monde à visiter. XV bébé, cache ta spé. Bébé, tu sais qu'il y en a, t'as pu nous résister. Stop. À midi, Polyakov. À 15h, Eristoff. 20h, je suis off. 23 minuit, sur Skyrock. Fume la frappe. On fume de la frappe, tu fumes de la fan de frappe. Négro, la fille en frêle. On te laisse le cul de la vieille. Tous les chats, plus de l'eau. Avec la veille, ils ont déjà le prix en tête. Tous les polos sont satisfaits. Tu pètes des gros, moi tu pètes des rasbars. Mon radar n'essaie pas de nous bébar, sale bâtard. J'suis sur un champ très laboureux. La S y'en a pour eux. J'ai mes potes qui pètent au rejetant. Toi tes potes tombent amoureux. Et demande à son pack, j'ai les vite teintés au pack. On a grave les flics au pack. Tu fais de la peine, toi, quand t'as pas de terreau. Hypes, alors tu deviens la frappe, tu fumes de la fin de frappe. La fin de frappe. On fume de la frappe, tu fumes de la fin de frappe. La fin de frappe. On fume de la frappe, toi tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe, toi tu fumes de la fin de frappe. T'es un bolos. Si, si. Le produit est bon, là, écoute ça. Bien sûr qu'on va te culbuter. Profond salope, tous ces négros venus pour me buter. Savent qu'au fond, galope, façon 9 milli et son processeur. Sistache, Windows, Vista, t'as virus dans le processeur. Et j'écoute très peu le professeur. Beaucoup de transactions dans ma rue, hausse des dollars pour euro dollar. Sonar, y'a très peu d'action dans ta ruelle, comme dans un vieux polar. T'es qu'un vieil acteur de série B. Toi, ton produit, c'est dérivé. Verdure de test, de grosse pointure. De la verdure dans la jointure. Oui, bien sûr, des souffles en fer, l'envers du décor. Soulever des corps, passe toutes les voies. Elle met ton enfer et je sais que j'ai tort. Quand je vois le chemin que la chante, train de sale bâtard. Je roule un parchemin, si on bute un port, on laisse pas d'empreinte trop radar. C'est l'ADN criminel. C'est le barbare, enfoiré de pute. Enfoiré de pute. C'est le 1-8-7. À midi, Polyakov. 15h, Eristoff. À 20h, je suis off. 23 minuit, sur Skyrock. On fume de la frappe, tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe, tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe, mais comme ça tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe, toi tu fumes de la fin de frappe. Le gun ou la roche, c'est dégueu, je roule mon joint de bœuf toujours dans le bendo avec mon gars bendé. Pareil, des rumeurs, des mensonges, le Mali tourne autour de toi. Tu me dois, je t'ai pas né, pas cette fois. Cette bitch fait son hook, je lui mets son hook. Pas question qu'on se revoie. Je la vraie vie dans le tour des bails bressons. Ta tête est dans une flaque de sang. Sur le corner, avenue de Clichton. Même quand ça pue, recharge de sang. Et va te pécho le 11 décembre. Le 11 décembre. Au quartier négro, on a autant de flow à ma connaissance. À ma connaissance. De belle ou wing, de belle ou wing. De belle ou wing. Ok, écoute. Rien à foutre, je suis dans le game. Vas-y, t'es dans le game. Pourtant, je suis de retour. Y'a la jonquière et la retour pour mettre tous les beaux tours. J'ai une grosse basse pour je te laisse à peine le P3. Si tu te hardcore, tu fais de la peine au D3. C'est LESO, la criminelle. ADN, je suis sur le KTM. Pas de la même catégorie parce que 5 une sale gueule, arrache ta gueule. Espèce de loupard, me fais pas chichi. Par déduction, on va leur dire tout pas. C'est pas de cliché, pas de réduction. Le rap bégaye, c'est trop camé. Tous ces MC sont des produits à Ousso, l'essence programmée. Et c'est de la chevrin qu'il faut ramener. Salope. Aïe aïe aïe mon gars, XVBB là sur Sky. Dans la putain de place. Aïe aïe aïe, écoute ça mon gars. C'est pas fini, c'est son freestyle lourd lourd lourd mon gars. Si si. Avec tes sentiments, la mienne avec ma monnaie. J'arrive pas à faire du sale gros, non j'arrive pas gentiment. Grosse frappe tu le connais, y'a pas de secret, la haine ici est gratos. Ma rue aussi vicieuse qu'une sale keuf. Et faut que je tire un coup avec cette bastos. Ma gueule, mais de calibre 9. Gros pas, mais là me demande la plupart de mon temps. Bah tu connais la chanson, tu payes la rançon. Ramène le montant, ramène le montant. T'as vu qui bascule quand la poucave se fait auditionner. Auditionner. T'as tout plein de vautours autour avec des meurs positionnés. Wari wari wari wari. En I comme mon gava wahit. De l'argent aussi sale que ta chenèque. En cash ou en chèque j'en ferai toute ma vie. Hors de question de finir infirme. Arrête. LFG c'est pas un film de Los Angeles. Je lècherai sur ta plaque et ton enceinte. Je me tape ta biche si tu insistes. Des plaquettes de talba sur la table. Taf de semence sur le tablier. XVB t'es toujours dans mon taf. On est qu'au début du sablier. La notoriété on monte en grade. Baisse-moi ta jaguette. Bang bang bang. C'est pas trop chaud dans la bête. Midi midi. Si si mon gars. C'est la barbarie mon gars. Aïe aïe aïe. C'est toujours le midi, le polia cover. Pense à l'épice, j'te passe un bal. Genre le portefeuille comme ça t'y va. Pour 40 cents, ramène clope feuille. La K47, là ça t'y va. Que je consomme, me rentre en bête. Est-ce que tu me rejoins un rebeu négro? Rien me console que des gros pets. Il me reste à peine de joints de bœuf. Midi, Polyakov, Polyakov, Polyakov. À 15h, Eristoff, Eristoff, Eristoff. 20h, je suis off, je suis off, je suis off. 23 minuit, sur Skyrock, sur Skyrock, on fume de la frappe. Tu fumes de la fin de frappe, fin de frappe. On fume de la frappe, tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe, tu fumes de la fin de frappe. On fume de la frappe. Tu merde, je t'encule si tu veux me la mettre à l'envers. T'as de la cocaïne dans le système nerveux. Je veux du pif, à plus savoir quoi en faire. Baga bendo, rentre tes cheveux pour remplir les Yankees. Font la queue dans le bendo. Je dans le bolide et je le trouve insolite. Quand on fait de l'oseille, tu fais de la peine gros. ADL criminel. Brr, XVBB mon gars. Aïe aïe aïe. J'suis dans les ouais. Si si. J'suis ma weed. Nécro t'es mort. Machiavélique comme le bruit de mon arme. Hey. J'évolue. Volu dans mon temps, dans mon temps. Le tien est, le tien est révolu depuis longtemps. Sale pute. Si si. XVBB dans le game ma gueule. Dans le game ma gueule. XVBB à jamais dans le game ma gueule. H24 en bas du bâtiment. On attend plus les Yankees que le châtiment. Plus les Yankees que le châtiment. Dans la cuisine mais pas pour des aliments. Je veux me tester pour te lever hyper tôt. Je vois la concurrence qui me paraît confuse. Ok c'est la merde dans l'occurrence qu'on confuse. Sa mère je vois des transactions tout petit hyper tôt. XVBB mon gars sur Sky. Le gun ou la rose toujours disponible. Sur iTunes, en magasin. Écoutez la frappe mon gars. Si si tous les barbares. Tous les barbares. Tous les barbares. Souche. Souche. Wesh toi. Arrête toi. Toujours sous état d'ivresse. Quoi? Et bien sûr frappe fait des bulles. Mauvaise cœur. Moi j'ai accusé aussi. C'est sûr que je veux ma part. Mais je veux la tienne aussi. La GPS au LF. Je vais partir, toi tu fumes tout le BNF. BNF. Nerveux comme un CRF. Je te vais danser, bonne la ref. Allez. XVBB dans ta soirée branchée. La faute accrochée, voici le danger. Ça blesse et ça blesse dans les tranchées. Bella s'est penchée, on suit le déhanché. 10 bouteilles sur la bleuta. Je verse tout, non, je bois pas. Libéré, bloca. Et tout est bon. Et tout est sale. Et tout est bon. Débloqué, bloca, sous pas KMG. Côté nord de Paname 7-5 64 tous les bacs. La nocturne avec le XV Barbare. Merci à vous messieurs. Aïe, aïe, merci à vous aussi. Bye bye. Si, si. Est-ce qu'avant de se quitter, on peut pas se refaire un petit dernier plaisir, remettre le tout est bon là, comme tout on l'a bon. En expliqué. Ah, c'est parti, on va te la remettre. Franchement, pour tous les bringueurs, c'est pour parti. Pour tous les bringueurs, là tu vois. Ah ouais, juste avant de se quitter, avant de faire les dernières dédicaces. Aïe, aïe, aïe. Un petit dernier tout est bon là pour la route quoi, j'aurais à dire. C'est parti. On a pu découvrir il y a quelques minutes titre inédit du XV Barbare. Inédit. Aïe, aïe, aïe, tout est bon ce soir. Tout est bon. C'est l'homme t'as peur, sinon y'a R mon gars, je te le dis. Tout est bon, tout est bon. Pareil, c'est dégueulasse, dégueulasse. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. du PSOLS. Tu partir, toi tu fumes tout le BNF. Nerveux comme un CRS. J'te fais danser pour Naref. XBBB dans ta soirée branchée. La faute accrochée, voici le danger. Ça blesse et ça blesse dans les tranchées. Bella s'est penchée, on suit le déhanché. Tu bouteilles sur la blota. Je verse tout l'un, je bois pas. Libéré, blocage, ce pack. Et tout est bon. Champion de l'année, avec nous ça blesse. OBIP carré, c'est toujours correct. C'est correct. Ta pédo, y'a ta go dans ma go. Elle a changé de déco, elle a le détecteur de l'eau. Tout est bon, tout est bon. C'est une traduction, pas besoin de demander son prénom. Je veux savoir si c'est bavon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, ouais, tout est bon. Après, je sais pas si tu montes dans mon fer. Ce soir, je prête à côté des frelons. Y'a gros boule, y'a pas steak, y'a melon. Ça prend des tailles, musique Star Wars. 357 mains dans mon tarot. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. XV Barbarie, XV Barbarie. Tout est bon, tout est bon. J'ai dit tout est bon. Skyrock, tout est bon. Aïe aïe aïe, tout est bon. Skyrock, tout est bon. Sky aïe aïe, tout est bon. Tout est bon. Skyrock, tout est bon. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien. Et tout est bon. Ne ramène pas tout que ton corps en boîte. Tout est bon ce soir. Skyrock, ramène tes copines, XV Barbare. Ramène des copines. Ramène des copines. La team Ocher tout, bang bang. Ocher tout, Ocher tout, Ocher tout, au secours. Ocher tout, Ocher tout, bang bang. Et bah voilà pour bien conclure cette première partie nocturne. Merci à vous. Merci à toi. Merci à Barbara. Je vais dédicacer mon pote là. Allez, ah ouais, faut pour les dédicacer les potos, ouais, tu allez-y, connais. Bloca, Sopac, dites-moi les gars si Picos, je vous Picos, mon gars l'Elbi. Flo, l'Elbi. Mon gars le long qui vient de. Exact, exact. On est ensemble. Là, il y a mon gars Cuicui, il y a mon gars Ben, il y a mon gars toute la France, mon gars Dima, il y a mon gars Porky, tout le bazar, les gars, on est ensemble. Il y a mon gars Nerkengue, on mon gars pas LDO, mon gars le Aéro, mon gars le Charlie, Aéro, Agrume, Abitouareg, mon gars Nino A du car, tout le quartier quoi. Armel, Paris de Bad de Dakar, mon gars Armel, tout le monde. Mon gars Rick Tincel, Grandé, Likos, Kara, et mon gars Dauphrey, Kams, Kara, Kams. C'est trop! Mon gars HD! Mon gars de HD! Bélier! Bélier! Bécoli! Bécoli! Bécoli! Bécoli! Merci à vous, Emma, une spéciale pour tout le 17ème évidemment. Et mon petit frère aussi, j'ai oublié mon petit frère. C'est ouais! Le XV Barba, on vous attend donc 2016, des nouveaux projets qui arrivent. D'ici là, il y aura évidemment le Gun ou la Rose qu'on peut retrouver. Le tout est bon, vous le balancez quand le morceau aussi, les gars? J'en passe une à mon daron, gars! Tu veux contre le balance ou? Le frère, tu veux contre le balance ou c'est quoi le délire? Il était bon, tout bientôt bon. Dans les écrans, vas-y. T'inquiète mon gars. On se voit après. Merci à vous en tout cas, le XV Barba, d'être passé pour cette nocturne. Bien et à vu, très vite. Gars. On est ensemble. Ciao, ciao. Ciao. Vas-y, ciao. Mon gars Fred, passe une bonne nuit, mon pote. À vous aussi. Aïe, aïe, aïe, c'était l'XV Barba, mon gars, dans la nocturne, dans ta radio. Si, si. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est donc reparti pour le son de la nocturne, 100% rap français, Rimka, la crime. Qu'on dédicace évidemment comme chaque vendredi soir. Stupéfiant. Il y aura le nouveau son de Cool Chain aussi dans un instant. On a rodé le jour, on a ripé la night. La tolle des bijoux, des vides malades. Des chaînes la casse au plus grand cassotion. Quoi faire d'autre que rapper nos lives? De la peuf racelle aux femmes et bibi toute l'année. Amsterdam dans le GPS. On décharge le Zodiac sur la plage devant les touristes qui faisaient bronzer. Bayard de Chelon sur le survêt. On prend les sens interdits en CRS. De la repu

Ripro 2 dans les bacs, Ripro 2 disque d'or, la crime. Adieu, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. PNL, ça arrive. Midos Junior sur le projet Koulax, Beaumaillet Musique, ça arrive aussi. Et PNL maintenant, Tempête. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Gentiment. Quoi pas chez t'en attends la villa. Les démons me chuchotent Marilla. Mon cœur une tirelire, toujours en manque de billets. J'voulais juste être riche Hugo, j'voulais pas briller. Billet de 500, j'refais pas piller. Papa m'a dit mon fils t'en fais pas, c'est des pétés. Seront jamais ce que j'ai été. Seront jamais qui j'ai été. Alors j'fais le tour de la ville. J'rêve de la tonne, j'fais le kill. J'suis tous les jours sur le grill. Pendant que mon étoile défile. Rien d'exceptionnel, ça recommence à R. Je croise plus sur terre, l'enfer terminera la guerre. Ego j'ai la dalle et ma haine m'ouvre l'appétit. On a grandi à poil avec le M sur la tétine. Caresse du temps qui passe pour m'adoucir. Changer de vie maintenant, ego c'est pas possible. J'peux pas m'endormir sans demander pardon. J'fais plein de souvenirs, j'retourne au charbon. Derrière je le mets en poster. J'passe au vert comme dans les rues trop terre. J'suis sur Titan, j'ai plus les pieds sur terre. Ico c'est le sou que je les vois j'louffer, sniffer. So white, speaker, water. Je les vois arriver comme des morts vivants. S'enfonce dans la détrousse, ça qui franche pas halluciné. J'course le bonheur, j'suis comme Titi et le gros miné. J'suis à l'hôtel, j'pas resto, j'pas au ciné. Aux arrivants, aux allumés, j'ramasse mes. J'dis à la madone, ce que j'te ferai, j'peux pas le dessiner. J'ai la barre, mauvais garçon, laissez passer. J'tourne le dos à ces putes, c'est la base. J'sors de Fleury, y'a le pétard, j'fais mes lacets. Ma vie sans son merde. J'roule une yax. J'sors le doigt en l'air. Donnez à t'entrer. Revis. Marche dans la tempête. Pour ma musique, Mathieu Salep, c'est mon moubriac. Chef d'orchestre, je dirige l'assaut. Tu vas manger des rapports en tempo. Ils ont eu des nôtres. Il faut aller leur faire payer plein pot. Drive-by pour les lovés. Bang-bang pour les lovés. Black-out pour les lovés. Tout faut d'oeil à cause des lovés. Dosmier le best. Dosmier le best, évidemment. Quand ça plante, pourquoi aucun de ces souvenirs me hante? Je dors dans la rue quand celle-ci me manque.

Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. C'est la nocturne. Je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens. Ce garçon s'appelle FK. Retenez bien, il vient de Nantes. Zesso tout de suite. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Je suis fait de mal, je suis fait de bien. Encore pire. Mais tu fais de mal et de bien pour tout être humain, surtout, ne te soucie de rien. Je suis fait de mal et de bien comme tout être humain, surtout te soucie de rien. J'aurais voulu me ranger, j'aurais pris dernier train avec lequel j'aurais fait rimer gagne pain. J'ai vu combien de mes potes devenir fous pour l'oseille. Devenir fou gros c'est se soucier de rien. Demain c'est flou même si je parais serein. Je peux voir les problèmes pleuvoir comme des coups de surin. Beaucoup de semaines on traînait sur ce terrain. Loin des terrains de foot quand on était gamin. Si la vie était un match qu'on joue tout pour tout. Gros, je veux pas être dans les gradins. T'as l'achat de sentiments mais lâcherai les radins. T'as l'achat de sentiments mais lâcherai les radins. T'as l'achat de sentiments mais lâcherai les radins. Mais lâcherai les radins. Gros les années passent, toujours les mêmes frères en tôle. Peu importe les actes, on a donné même rôle. On veut bien pour les frères, mais les halls. Les parents savent quoi faire, mais les halls. Mais l'autre mensonge pendant que les prix augmentent. Témoin de ta chute qui est beaucoup trop lente. M'arrête ici, à des kilomètres, je les vois. Ta vie entre les doigts, je vais finir par la mettre. On veut s'armer juste pour te descendre. Acte barbare, Palestine défense. J'enferme le bise avec des litres d'essence. Y'a plus de remords, y'a plus de renaissance. On ne meurt qu'une fois, ton amour convalescence. On a déjà pleuré, gros, ça fait longtemps. Qu'on pense au frère, parti, trop tôt, chuchotant. Tu sur un siège chauffant. Les premières rimes en bas, j'ai encore pire. Les premiers textes que des mots où je parlais de m'en sortir. Maintenant, maintenant, maintenant je dors plus. Maintenant, maintenant je dors plus. Je suis trop loup pour être un mouton. Passe nos tracés en loupe. Trop sanglots, je suis dans les poussons. Je me rappelle les rimes en bas, j'ai encore pire. Les premiers textes que des mots où je parlais de m'en sortir. Je leur avais dit que ça allait être sanglant. Marion drame où ça fait en blanc. T'as fait au plaque, au drac et sanglant. Le tout c'est de pas faire semblant. Personne se sauve, ni femme ni enfant. Je suis au fond depuis l'enfance. Croisant mon expérience personnelle peut plomber l'ambiance. Trop de gens qui prennent la confiance. Faut que je la reprenne, quoi qu'ils en pensent. Pas le choix pour qu'ils le comprennent. J'ai le choix en 3000 sentences. Dans ce monde où le diable se promène, je peux comprendre ton âme et chancelante. Sans flamme, juste une étincelle. Victime d'une mort que l'on pense plante. Je peux pas écrire comme ces gosses. Qui pousse jusqu'au péril. Pour mes gens, toujours est stérile. Que je dévisse ces rimes. Gros, c'est tout faire. Un point, c'est tout frère. Tout gagner demain, c'est tout perdre. Pourquoi rapper, faire fructifier ce qu'on a souffert. Prends mon pouls, je suis toujours en vie, négro. Et si je prends mes sous, ce sera avec les crocs. Et ça, je leur avais dit, gros. Je suis trop un loup pour être un mouton. Passe nos trajets en loup, gros. Trop de sanglots, je suis dans les poussons. Je me rappelle, les premières rimes en moi. J'ai encore pris les premiers textes. Que des mots où je parlais de m'en sortir. Maintenant, maintenant, maintenant je dors plus. Maintenant, maintenant, maintenant je dors plus. Je suis trop en loup pour être un mouton. Passe nos tracés en loup. Trop sanglots, je suis dans les poussons. Je me rappelle les rimes en bas. J'ai encore pire les premiers textes. Que des mots où je parlais de m'en sortir. Dieu veut m'écarter de la street. C'est un au volant et à chaque fois il me rattrape. J'ai pas vendu mon âme au diable. Je veux plus grave de la frappe. Carbonisé, bicarbonate, on veut l'empire ton impact. Si jamais tu tentes à jouer, gros, prépare-toi pour la tasse. Bientôt c'est les tranchées, partout la guerre sur la classe. Combat ta peur de l'étranger, tout comme le français est en face. Tout comme le français est en face. C'est nouveau projet qu'on jette. Nouveau flow tu verras passer en jet, en jet. Silence de mort quand tu vois passer l'on jet. Préviens pas, je vais pas, je vais l'enfoncer sans jet, sans jet. Trafic la dope, tu verras passer sans schlag. Tire comme un cowboy, tu verras passer sans jack. Dealer, on les baisse ses fumiers. Rien qui parle de lumière. De baisse de succès. La rue qu'on peut assumer. À la vie. Goût l'air. Avec si tu vois l'air. Bosse pour la mise mercenaire. J'pose sur des rips bien vénères. Et si la mort est bien célèbre, parce que tout le monde la connaît. Rien qui parle de punchline. Moi à chaque rime ça sonnait. J'ai pas fait le tour de la planète. J'en ai une vision pas nette. Après toutes ces années de galère, j'me vois pas soulever des palettes. J'ai la merde de ton paquet qui part réaliser ton rêve. Et tu crois que nos rêves ils sont réels. J'ai piétiné sous mon yel. Chaque jour le bien qui m'oriente vers un chemin épineux. Je te mens pas, je me suis résigné. Grosse devient limité. Y a ceux qui parlent de moi, croyant me connaître au bout des doigts. Croyant que la vie fera nous des rois. Je rappe ma vie, je me fous des lois. Dis-leur que j'arrive et tout est mort. Première rime en marre et encore pire. Pour les textes que des mots où je parlais de m'en sortir. Maintenant, maintenant, maintenant, je dors plus. Maintenant, maintenant, maintenant, je dors plus. J'suis trop loup pour être un mouton. Passe nos traces en loupe. Trop de sanglots, j'suis dans les boussons. J'me rappelle mes rimes en masse. Et encore pire les premiers textes que des mots où j'parle de m'en sortir. La nocturne. Ya, je. La musique c'est péché, la musique est un vice de feu. Je dois le prendre comment quand je sais que Lucifer est un fils de Dieu. Tu sais, ce matin je priais en me demandant de pardonner mes péchés. Mais Dieu comme moi savons que je vais recommencer. Alors je regarde le ciel en me disant qu'il faudrait peut-être que je change. Mais tu sais, une vie sans mal, ça n'aurait aucun sens. C'est ma sœur que je suis. C'est l'enfer, c'est les autres, je préfère pas savoir ce que je suis. Mais que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Je vais mettre mes péchés au cimetière, mes erreurs au cimetière, mes regrets au cimetière et ma colère au cimetière. Je suis pas sûr du paradis, alors que dois-je penser de l'enfer? Comment peut-il nous voir? On est 7 milliards sur terre. Mais maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Oh non, le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Oh non. Quoi? Le ciel il nous voit. Et tous ces sans-abri qui trouvent refuge quoi des rues. Le ciel il les voit. Le ciel il nous voit. Et ma mère est en train de crever du cancer. Putain de merde, le ciel il la voit. Me parlez plus de religion, votre dieu n'existe pas. J'ai voulu toucher du bois et je me suis fait des écharpes. Il a rien ramené sur terre à part des meurtriers féroces qui pensent que leur dieu est meilleur que celui des autres. Mais que le ciel vous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Mais que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Je vais mettre mes péchés au cimetière, mes erreurs au cimetière, mes regrets au cimetière et ma colère au cimetière. Je suis pas sûr du paradis, alors que dois-je penser de l'enfer? Comment peut-il nous voir? On est 7 milliards sur terre. Mais maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Oh non, le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Oh non. En fait, si t'entends mon son, j'espère que tu bouges la tête. Guéris la merde, mon pote qui a le cancer et celle de toute la terre. J'ai peur du sort que tu me réserves et ça s'entend. Pas besoin de m'ouvrir les veines et dire buvez, ceci est mon sang. Donc on s'entend, hein. J'suis qu'un homme comme Jésus. J'suis qu'un homme comme Mohamed, moi. J'suis qu'un homme comme Moïse. J'suis qu'un homme comme moi-même. Alors pardonne nos péchés et prends soin de nos mères, nos sœurs, nos pères, nos frères et prends.

C'est parti. Bonne nuit. Ciao. Du rap et du R&B. Turn it up. Rap.